Ici Franck Dessort, aujourd'hui l'histoire, l'un des plus grands explorateurs français de l'Amérique du Nord, Cavelier de la Salle. Il y a un fleuve au sud, le Mississippi. Un fleuve dont l'importance dépasse l'entendement de tous les marquis de Versailles. J'irai jusqu'au bout de ce fleuve. Vous m'entendez ? Malgré les marchands de Montréal. Aventurier héroïque pour les uns, ambitieux et mythomane pour les autres, Cavelier de la Salle, l'homme qui s'est rendu célèbre dans la mémoire collective pour avoir découvert l'embouchure du Mississippi, est un personnage flamboyant, un personnage qui ne laisse personne indifférent. Animé par un désir incroyable de conquête et de gloire, il aura exploré, au prix de nombreux périls, un immense territoire allant des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique. Le matin du 9 avril 1682, René Robert Cavelier de la Salle vit son heure de gloire. Dès son enfance, il rêve d'être un des grands découvreurs de l'histoire. Depuis qu'il est en Amérique, il est obsédé par la mystérieuse mer de l'Ouest et les trésors de la Chine. Aujourd'hui, il est le premier Français à se rendre à l'embouchure de la grande rivière, le Mississippi. D'un geste, il prend possession de la moitié d'un continent. Je prends possession, au nom de Sa Majesté, de ce pays, la Louisiane. Depuis l'embouchure du grand fleuve appelé Ohio, comme aussi le long du fleuve Mississippi, les rivières qui s'y déchargent. Extrait de la série Le Canada, une histoire populaire qui remonte à l'an 2000 et qui évoque cet exploit attribué à Cavelier de la Salle, mais qui, vous le verrez un peu plus tard, est contesté par certains historiens. C'est vous dire que la trajectoire de ce personnage a suscité et suscite encore aujourd'hui passablement de débats. Et pour nous en parler, notre invité est Monsieur Gilles Roy, chercheur en histoire à l'Université de Montréal. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est une épopée assez fantastique, hein, évidemment, que celle de Cavelier de la Salle, une épopée qui va se terminer de façon tragique. On va le voir un peu plus tard, bien sûr. Alors, justement, si on commençait peut-être par évoquer les débuts de ce feuilleton tragique. D'abord, qui était-il, Cavelier de la Salle, et qu'est-ce qui l'a amené précisément au Canada? Alors, son nom de naissance, René Robert Cavelier, il naît de la famille Cavelier à Rouen, la vieille capitale de Normandie, en 1643, donc le 21 novembre 1643. Il est précédé par un aîné, Jean Cavelier, qui sera aussi dans tout le récit de ses aventures. Jean Cavelier sera aussi au Canada. Et une petite sœur qui va suivre aussi. Il est né dans une famille bourgeoise, des merciers grossistes. Donc, c'est des gens... la famille Cavelier, elle est très impliquée dans le commerce avec les églises et le couvent à la ville de Rouen. Et puis, donc, ils sont très bien placés dans ce réseau-là, pour ainsi dire. Par les pressions familiales, les deux fils seront placés dans les ordres religieux. Donc, Jean chez les Sulpiciens et puis... René Robert, notre personnage principal chez les Jésuites. Donc, à l'âge de 9 ans, il va à l'école des Jésuites. À 15 ans, il entre au noviciat à Paris. Et déjà, il va prononcer ses vœux en 1660, pour débuter sa formation en prêtrise. Par la suite, on va remarquer une de ses caractéristiques importantes, c'est qu'il y a la bougeotte. Alors, à ça, tout à fait. C'est sûr. En France, il va être muté à Tours, c'est-à-dire qu'il est doué en mathématiques, donc il va pouvoir... Déjà, faire un peu un enseignement à Tours, à Blois, à Alençon. Et déjà, à ce moment-là, il fait des demandes assez supérieures pour aller en Chine. Donc, on peut voir aussi son obsession caractérisée pour les grandes découvertes et pour la gloire, notamment la Chine qui représentait cet aspect-là. Et comment s'embarque-t-il vers le Canada, là? Alors, au décès de son père, il va être relevé de ses vœux parce que, après 9 ans quand même de formation de prêtrise, lui et ses supérieurs constatent qu'il n'est pas tout à fait apte à suivre l'ordre de la confrérie, de la Compagnie de Jésus. Alors, il est relevé de ses vœux. Il est un homme sans profession. Il est aussi, à cause de ses vœux de pauvreté, il n'a pas un sou. Alors, la famille va lui fournir une petite rente. Et tout de suite, à cause que, justement, Rouen est une ville qui est déjà tournée vers le Canada depuis longtemps. Son frère, Jean Cavelier, l'a précédé d'un an à Montréal. Non, il est sulpicien à Montréal. Et aussi, il y a un oncle qui s'appelle Henri Cavelier, qui avait fait partie de la compagnie des Sans-Associés aussi, donc qui était une compagnie importante. et notamment un autre personnage, Jacques Lebert, son cousin, qui est un marchand à Montréal. Donc, il y avait de sérieux, de précieux contacts là-bas. Il y avait des contacts, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, la traversée se fait. Et ce qui est formidable, c'est que sitôt arrivé au Canada, le jeune homme, qui est sans métier, sans fortune, comme vous venez de le dire, obtient une terre qui est située dans l'ouest de l'île de Montréal. Oui. Hein? Et d'ailleurs, on peut écouter à ce sujet, si vous le voulez bien, le récit du père Lucien Campeau, qui est historien. Les Sulpiciens ont donné un fief noble qu'on a appelé un peu plus tard la Chine. Ce fief noble-là, qui s'est appelé au début Saint-Sulpice, comprenait surtout la ville La Salle actuelle. Robert Cavalier de La Salle, qui était un esprit fort entreprenant et peut-être aussi un peu aventureux, n'est pas resté longtemps dans son fief. Il l'a vendu parce qu'il se sentait appelé pour d'autres travaux. Et c'est un peu par dérision qu'on a appelé la Chine, parce qu'il parlait, lui, de ses voyages de découverte vers la route de la Chine, qui devait être une route vers l'ouest. Alors commence ensuite, bien sûr, l'épopée de Cavalier de La Salle comme explorateur, hein, une épopée très mouvementée, Dieu sait, et pour laquelle, M. Roy, il n'était pas nécessairement très, très, très bien préparé. Hein. Effectivement. Comme démontré dans l'extrait, c'est qu'il a vendu sa seigneurie qui avait été accordée par les Sulpiciens. Il a leur revend. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un parti de chasse des Tsonontois qui sont venus pour hiverner sur sa terre. Et puis, sagement, René Robert a décidé de ne pas les y chasser. Donc, il s'initie à cette langue. Il s'initie, donc, il entend parler de la rivière Ouiyou-Ouissou. Donc, c'est vraiment ça qui va piquer son imagination, qui va faire en sorte qu'il va décider, justement, de vendre ses terres aux Sulpiciens, à divers marchands aussi. Donc, il est prêt pour s'embarquer dans sa première aventure. Il va demander la permission au gouverneur Courcelle à ce moment-là. Et Courcelle lui dit, non, mais tu vas te joindre finalement à une autre expédition. Alors, il va se joindre à l'expédition d'Ollier-Casson et Galinée, qui était préparée par le supérieur qui s'appelait Caylus à ce moment-là, des Sulpiciens. Mm-hmm. Donc, on ne lui faisait pas tout à fait confiance. Il dit qu'il était cartographe, qu'il était interprète, mais déjà, ce qui était même le départ, ouais. Plus ou moins, exactement. Plus ou moins. Exactement. Et puis, alors, ils vont s'embarquer dans cette aventure-là. Ils vont se rendre au sud du lac Ontario, où ils vont arriver à un village iroquois. Donc, le Cavalier de La Salle va faire sa première initiation aux mœurs amérindiennes, parce qu'ils doivent attendre dans le village avant de procéder plus loin dans leur aventure. Ils sont dans un autre territoire qui n'est pas les leurs. À ce moment-là, au village, on attend des jeunes guerriers iroquois à leur retour avant de prendre une décision. Donc, ils vont rester à peu près un mois dans ce village-là. Et de l'Ollier-Casson et Galiné vont tout à fait constater qu'il ne connaît pas grand-chose des langues amérindiennes. Mais ça ne va pas l'empêcher, ça, M. Roy, de connaître une période quand même assez faste, hein, et puis des périodes d'exploration qui s'avèrent très, très fructueuses. Exactement. Parlez-nous-en un petit peu, là, justement. Tout à fait. Alors, à l'échéance de cette expédition, pour finir un peu cette histoire-là, c'est que c'est pas loin après, il y a le frère de Louis Joliette qu'ils vont croiser en cours de route. Louis Joliette va leur donner une information qui est cruciale, c'est-à-dire qu'il y a une autre route pour se rendre au Sault-Sainte-Marie qui n'est pas la route traditionnelle passant par les rivières de l'Outaouais, la baie Georgienne, etc. Donc, Cavalier de La Salle, je pense que c'est une information capitale pour lui. Donc, à partir de ce moment-là, il va rompre avec l'expédition sous le prétexte de la maladie. Et il y a une période assez... On ne sait pas vraiment où il est passé, exactement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Pendant quoi? Exactement. Plusieurs jours, plusieurs semaines? Plusieurs années même. Même plusieurs années. Années. D'après les chercheurs, on dit qu'il est plutôt resté dans la région du lac Ontario. Ce qui est arrivé, c'est qu'à cette époque-là, on est dans une trêve des guerres franco-iroquoises, hein, la trêve de cette guerre qui dure depuis quand même quelques années. Et puis, au moment, la vie de La Salle va coïncider avec cette trêve dans les guerres franco-amérindiennes, ce qui fait en sorte que La Salle peut travailler, par exemple, ses relations avec les Iroquois dans cette région-là. Donc, d'après les chercheurs, semblerait-il que pendant cette période obscure, il s'est plus ou moins initié au commerce et il a véritablement appris à dialoguer avec les Tsonontois, avec les Iroquois. Donc, il s'est spécialisé, il s'est créé une niche, pour ainsi dire. Et en s'appuyant là-dessus, donc, il a réussi à obtenir des appuis, hein, des appuis en haut lieu, notamment même à la cour de Louis XIV, pour d'autres expéditions. À partir de ce moment-là, il faut dire que pour avoir ces appuis-là, il faut une rencontre décisive. Oui. C'est celle du gouverneur Frontenac. En 1672, le gouverneur Frontenac arrive en Nouvelle-France. C'est tout un personnage. Lui-même a une histoire assez faramineuse. Mais Frontenac va embaucher La Salle parce que Frontenac a déjà sa petite idée pour installer ce qui deviendra le fort Frontenac à l'embouchure du lac Ontario. Donc, on sait aujourd'hui que Frontenac désirait s'immiscer dans le commerce des fourrures. Et il y a La Salle, c'était son créneau d'expertise. Il connaissait très bien la région du lac Ontario. Donc, une rencontre fortuite à travers de Jacques Lebert, son cousin, sur l'île de Montréal, font en sorte que ces deux hommes vont se rencontrer. Donc, La Salle va partir en ambassade à Onondaga, qui est un peu le haut lieu des cinq nations, pour aller créer une ambassade. Et à ce moment-là, les chefs amérindiens vont venir rencontrer Frontenac au site de Cataraqui, où sera fondé le fort Frontenac. Donc, c'est cette rencontre-là avec Frontenac et la fondation du fort que Frontenac va faire sans aucune permission. Alors, justement, après le fait, Frontenac va demander à La Salle d'être son ambassadeur pour aller en France et quémander, c'est-à-dire une seigneurie. Et ce qui est assez particulier dans cette histoire-là, c'est que, bon, premièrement, Frontenac agit illégalement pour construire son fort. Alors, il y a des intentions, c'est-à-dire qu'il veut damer le pion aux marchands montréalais sur le commerce des fourrures. Mm-hmm. On sait que Montréal se trouve à la limite de ce qu'on appelle les pays d'en bas. Donc, c'est la limite du sud-ouest de la colonie compacte. Donc, c'est vraiment le poste de traite qui est important. Mais là, Frontenac veut un peu leur damer le pion en construisant un avant-poste un peu plus loin. D'accord. Donc, selon le conflit-là. Et donc, après cette période faste, l'homme qui avait quand même un caractère assez difficile, qui n'était pas toujours facile à suivre, comme vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt, finit par quand même se brouiller avec l'élite coloniale en Nouvelle-France. Et on peut illustrer justement cette période de disgrâce, de déboire, en écoutant un extrait de la série d'Iberville, où le gouverneur Joseph-Antoine de la Barre fait arrêter Cavelier de La Salle pour des dettes impayées, une scène qui est interprétée ici par les comédiens Jacques Monod et Yves Détourneau. Est-ce pour me parler de littérature que votre Excellence m'a fait arrêter par ces miliciens? Arrêtez, vous avez de ces grands mots. On a enfoncé ma porte. Je le regrette. J'ai ici quelques petits billets. Vous devez, paraît-il, 12 000 livres à Jacques Lebert, marchand de Montréal. 17 000 livres à Aubert de Lachenay, président de la Compagnie du Nord. 18 000 pots de castor à Charles Lemoine, marchand de Montréal. Sans compter vos redevances à la couronne depuis 3 ans. Et je passe sous silence votre abandon injustifié du fort Cataraqui. Votre Excellence veut parler du fort Frontenac. Pour moi, ce fort s'appelle Cataraqui, monsieur. J'ai eu des ennuis. Il m'est impossible pour le moment de rembourser ces messieurs. Dans ce cas, monsieur de La Salle, je suis désolé d'avoir à vous mettre en liberté surveillée, ici même à Québec. En liberté surveillée? Mais comment pourrais-je payer si on me retient? Je n'y puis rien. Vos créanciers disent la même chose. Comment pourrait-il être remboursé par un homme qui est tantôt au Grand Lac, tantôt en Louisiane, tantôt dans le golfe du Mexique? Alors, on pourrait appeler ça « Splendeur et misère d'un grand explorateur », M. Roy, là. Effectivement. On entend dans l'extrait, justement, la barre qui va souligner un aspect, un petit détail qui est important, c'est que c'est La Salle, effectivement, qui a donné le nom au Fort Frontenac. Le Fort Frontenac, Frontenac l'appelait le Fort Cataraqui. Et c'était la base des opérations de Cavalier de La Salle. Alors, avant, parce que là, on a sauté toute une période d'exploration et l'alliance entre Frontenac et La Salle ont fait en sorte que le réseau, leur ambition était de créer un réseau de forts dans les pays d'en haut et dans le pays des Illinois pour ensuite faire la mainmise sur le commerce des fourrures, comme je l'évoquais plus tôt. Donc, la barre est en train de souligner que La Salle s'était gravement mis en dette pour pouvoir mettre ce réseau de forts en opération. Et c'est sur ce petit point-là que la barre va appuyer pour souligner cette vulnérabilité-là. Alors évidemment, Cavelier de La Salle ne sera pas au bout de ses peines parce qu'il obtient de la cour les moyens de préparer une ultime expédition pour retrouver le Mississippi par le golfe du Mexique. C'est une expédition ambitieuse, mais qui va s'avérer assez désastreuse. Et cet échec, il traduit à bien des égards, en fait, le tempérament de Cavelier de La Salle, qui était très audacieux, oui, bien sûr, tenace, mais aussi assoiffé de gloire. Et on va laisser le soin ici à la biographe Anka Mulstein de nous décrire cette ultime expédition qui allait s'avérer, on l'a dit précédemment, passablement tragique. Tout va aller mal, en grande partie parce qu'on ne l'envoie pas avec une poignée d'hommes. La Salle n'était bon qu'avec très très peu de gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu au début, qu'on verra jusqu'à la fin. Que curieusement, Louis XIV l'envoie dans le golfe du Mexique fonder sa colonie. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a tout un... Ils partent avec 300 personnes dans un territoire qui n'est pas découvert. Alors là, la mortalité va être extraordinaire parce qu'ils vont en perdre une centaine pendant le voyage. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est qu'il pénètre dans le golfe du Mexique, mais il n'arrive pas à retrouver le Mississippi. Et c'est vrai, à la Nouvelle-Orléans, on loue des petits avions, des petits monomoteurs, ce qui permet de survoler le golfe. Et on s'aperçoit que le delta est tellement large et tellement ponctué d'îles et d'îlots qu'en fait, on ne peut pas faire la différence entre la terre et l'eau. Et alors, ce qu'on doit dire sur cette ultime expédition, c'est que c'est même digne d'un western. Hein. C'est absolument incroyable. Absolument. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est produit à ce moment-là. Ce qu'il faut vraiment raconter, puis ce qui est peu raconté, c'est le germe de ce projet-là. Parce que c'est au départ du projet que le plan, on va dire, il est vicié au départ. Et je crois qu'en examinant le dossier de la salle, que la salle était probablement... Il était conscient, il ne voulait pas se l'admettre, mais il était déjà conscient au départ de La Rochelle que la chose allait mal tourner. À partir de 1678, la salle avait deux appuis à la cour qui s'appelaient les abbés Renaudot et Bernoux. Alors, ce sont deux abbés, je vais les appeler les intrigants, parce que c'est eux qui vont, et c'est là ça va donner beaucoup de fil à retordre aux historiens, c'est eux qui ont arrangé les mémoires d'exploration de Cavelier de la salle. Donc, ils vont écrire des mémoires et ils vont plus ou moins ramasser des faits ici et là, une géographie plus ou moins fantastique pour attribuer à la salle, par exemple, la découverte de l'Ohio et du Mississippi. Donc, ils vont être ses agents à la cour. Donc, il y a l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Diego de Peñalosa, qui est à la cour de Louis XIV, qui va arguer qu'on peut faire une conquête du Nouveau-Mexique parce qu'il y a des mines d'argent qui sont au nord du Nouveau-Mexique à cette époque-là. Donc, c'est la guerre des Réunions. C'est une des innombrables guerres dans lesquelles Louis XIV s'est embarqué. Et la salle va prendre le plan de Diego de Peñalosa et puis il va tout simplement accepter d'être cartographe, donc de fournir un plan cartographique pour cette expédition-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va plus ou moins placer le delta du Mississippi sur sa carte, plus près de ce qu'on appelle le Rio Bravo, donc aujourd'hui la Rio Grande. Vous voyez comme une erreur catastrophique au niveau. C'est-à-dire que on est loin de la réalité. Et de l'équipage de 300 personnes, il ne reste que très, très peu de gens, finalement, à l'arrivée. Ça se termine vraiment un peu dans le carnage, parce qu'on s'entretue. Et finalement, et parlez-nous un petit peu de la fin de Cavelier de la salle, qui se termine de façon assez pathétique. Tout à fait. Mais du début jusqu'à la fin, Cavelier de la salle est un homme un peu différent. C'est-à-dire que, c'est mon interprétation ici, je crois qu'il sait au départ qu'il est devenu le pion d'une expédition qui est vouée à l'échec, parce que c'est complètement fantastique. Alors, début à la fin, il est en brouille avec son capitaine, le capitaine Beaujeu, et il ne dit à personne où ils s'en vont. Ils vont l'annoncer seulement quand ils vont arriver sur les rives du Texas. Il va annoncer à quelques-uns de ses intimes quelle était la véritable intention du voyage. Alors, vous pouvez imaginer que les espèces de conflits qui peuvent se passer quand le capitaine, qui croit qu'il a tout le mérite de prise de décision, ne sait pas prendre de décision, car c'est la salle qui détient les clés du système, pour ainsi dire. Et il se fait tuer. Ben, c'est l'arroseur arrosé. Premièrement, il a donné une mauvaise géographie, et puis alors il se trouve, en conséquence, à un endroit qui n'était pas prévu, à la baie de Matagorda. Il y a une série de naufrages. C'est entre Houston et Corpus Christi. C'est dans cette région-là. Alors, ils installent... Il y a un naufrage de son bateau de provision, une catastrophe après l'autre. C'est vraiment terrible. Et puis, à partir de ce naufrage-là, ils vont faire... Des tribus des Karankawa vont venir pour piller leurs vivres. Alors, les Français vont mal réagir. Ils vont mettre les Karankawa contre eux en brouille. Donc, la salle est devenue absolument intraitable à partir de ce moment-là. Il envoie des gens pour construire le Fort Saint-Louis. Et donc, vous pouvez imaginer que c'est un homme qui est vraiment désespéré. Oui, c'est ça. On frôle un peu le délire. Donc, c'est la fin d'un itinéraire qui était quand même impressionnant pour Cavelier de la Salle. Un personnage qui ne laisse personne indifférent. On a évoqué un petit peu plus tôt, surtout par les historiens qui ont sur lui vraiment des interprétations très polarisées. Je vais vous entendre brièvement là-dessus. D'accord. Je reviens sur une question que l'historienne Cécile Vidal a posé dans un inventaire sur les historiens. Elle pose la question, pourquoi l'histoire de la colonie du Mississippi commence-t-elle toujours en principe avec la salle? Donc, je trouve que c'est une bonne clé pour aller fouiller un peu dans ce problème-là. Pourquoi pas, par exemple, d'Iberville, qui est allé qui a fondé Biloxi et qui a réellement créé des assises françaises sur cette... Pourquoi lui accorder tant de crédit, finalement? Voilà, exactement. Pourquoi il est le père de la Louisiane? Alors, cette question-là nous permet de creuser un peu cette prééminence que la salle a dans l'historiographie traditionnelle, parce que justement, au 19e siècle, les mémorialistes et puis, les chercheurs vont écrire, on est au Second Empire français, et puis ils vont chercher des hommes qui vont représenter les ambitions de l'Empire français, donc ils vont créer un héros à partir, je dirais même, d'un travail d'un archiviste très important qui s'appelle Pierre Margry, qui travaille aux Archives nationales en France. Et Margry va publier une série en 6 volumes des grands explorateurs du 16e et 17e siècle. dans laquelle 3 volumes sont dédiés à Cavalier de la Salle. Donc, à ce moment-là, on a la création d'une légende. Oui. Donc, la salle le héros. Oui, la salle le héros, mais pas le héros pour tous. Alors, justement, il y a une controverse, en gros. Exactement. La controverse, c'est que, premièrement, a-t-il découvert l'Ohio et le Mississippi? Donc, justement, le dénommé Marguerite, attribué à La Salle par son trafic des sources dans son volume, que La Salle était découvreur. Francis Parkman, le grand historien américain, a repris, il était dubitatif quant au Mississippi, mais il a repris la légende que La Salle avait découvert l'Ohio. Donc, ça a pris je vais l'appeler le détective, un historien jésuite en 1938, qui, Jean de Langlais, qui il est en Belgique, et est un historien américain qui a fait le boulot, c'est-à-dire qui a fait la critique des sources, il est allé en France, en Bibliothèque nationale, il avait recoupé tout ce que Marguerite avait publié, il a découvert, finalement, il y a beaucoup de documents falsifiés, ce qui nous ramène aussi à Bernou Renaudot, les deux abbés dont je vous parlais plus tôt, eux qui avaient déjà créé un paquet de falsifications, donc on est vraiment dans un fouillis total. Et c'est un mystère. Oh non, c'est ça exactement, et c'est de l'anglais, on doit lui accorder le crédit, c'est lui qui a vraiment fait ce travail-là, et en quelques deux petits volumes qui vont reprendre où sont exactement dans la cartographie et dans les archives, où sont les falsifications. Donc, qui vont permettre d'établir que, justement, La Salle n'était pas le précurseur à l'Ohio et le Mississippi. Donc, alors, on peut peut-être relativiser une partie de la légende autour de Cavalier de La Salle, mais ce qui est sûr, c'est que ce personnage, ses découvertes, ont eu un impact majeur, quand même, pour ce qui est de l'histoire du continent nord-américain. Oui, tout à fait, exactement. Pour résumer un peu les conséquences de ces découvertes-là, on va dire, premièrement, il y a la prise de possession de la Louisiane, donc ça nous ramène au premier extrait qu'on nous avons entendu. Donc, c'est l'extension maximale vers le sud de la souveraineté française sur le continent nord-américain. Donc, c'est La Salle qui va être le père de cette mouvance-là. Cette fondation va aussi créer les assises territoriales de la future politique d'encerclement de Louis XIV, encerclement des colonies anglaises, comprenons-le bien. Et la dernière expédition de La Salle va aussi donner le coup d'impulsion à la colonisation espagnole du Texas. Il y a jusqu'à 10 expéditions espagnoles qui ont été envoyées pour retrouver le petit fort Saint-Louis. Et dans ces expéditions-là, ça va permettre l'exploration et la cartographie de la région par les Espagnols. Enfin, je dirais, pour résumer, avec La Salle, on a l'expression personnifiée d'une dynamique qui est contradictoire au cœur de l'effort colonial français, c'est-à-dire l'expansion territoriale de l'Empire, au-delà de ses capacités d'assurer la pérennité aux colonies, le précaré de la colonie compacte sur le Saint-Laurent. Lionel Groulx, je crois, exprime bien un peu cette tendance-là. Il disait « Un duel presque fatal devait dominer notre première histoire, les duels de la terre et de l'eau, de la terre qui nourrit et enracine, de l'eau qui ensorcelle et disperse. » Alors voilà des paroles qui auraient rendu fier ce grand ambitieux qui était Cavalier de La Salle. Pour nous en parler avec nous, se trouvait aujourd'hui Gilles Roy, chercheur en histoire à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Merci à vous. De votre participation à l'émission. C'est tout pour cette édition d'Aujourd'hui l'Histoire. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Franck Dessort, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.